traversant les âges avec Dieu. Qui sait que Dieu règne sur tout, sur le destin de tout être vivant, organisant et guidant toute chose. Ceci échappa à l'esprit humain. Non que les actes divins soient vagues, ou que son plan ne soit pas réalisé. Plutôt le cœur et l'esprit humain sont loin de Dieu. Quand bien même ils suivent Dieu, alors qu'ils ne voient pas, ils sont au service de Satan. Nul ne cherche les pas ou l'apparition. Son soin, sa protection, mais ils sont prêts à compter sur le malin pour s'adapter au monde, à ses lois. Le cœur et l'esprit de l'homme tombent entre les mains de Satan. Et deviennent la nourriture de Satan. L'homme devient la nourriture de Satan. Demeure de Satan. Il s'y amuse comme il veut. La compréhension humaine s'éteint. L'homme ne voit plus son but, sa valeur. La douleur tragique de l'humanité.